Alors, je vais profiter de cette fin d'installation pour présenter du coup Pascal Bonnemère. C'est bon ? Donc, Pascal Bonnemère est directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire Credo, donc le centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, basé à Marseille. Donc c'est en 1985 que vous avez effectué votre première mission de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez les Barouya, rendu célèbre dans le milieu anthropologique par le travail de Maurice Godelier. Mais c'est auprès d'une population voisine, les Ankavés, appartenant au... 5 jours de marche quand même. Donc voisine dans le sens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, appartenant au groupe Anga, donc à 5 jours de marche des Barouya, que vous avez conduit vos recherches de doctorat, toujours sous la direction de Maurice Godelier. Vous avez soutenu votre thèse en 1993, après avoir mené un travail portant sur les aspects du genre, de la parenté et des rituels du cycle de vie. En 1994, vous avez eu l'occasion d'observer les actes des femmes encavées lors des initiations collectives masculines. Depuis lors, vous concentrez vos activités de recherche à proposer une analyse alternative de ces actes d'initiation, contribuant ainsi à repenser les rituels masculins de Papouasie-Nouvelle-Guinée en général. Les représentations de la personne qui sous-tend ces initiations sont au cœur de vos recherches. Par ailleurs, vous vous intéressez également au récit des premiers contacts, ainsi qu'à la christianisation des populations encavées et barouya. Depuis 1996, et date de l'apparition de votre premier ouvrage intitulé « Le Pandanus rouge, corps, différence des sexes et parenté chez les encavés anga », vous avez publié de nombreux autres livres. En 2007, vous publiez en collaboration avec Pierre Lemonnier et les tambours de l'oubli, La vie ordinaire et cérémonielle d'un peuple forestier de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je mentionne un ouvrage qui, je pense, résonnera avec les communications de ce jour et qui s'intitule Agir pour un autre, la construction de la personne masculine en Papouasie-Nouvelle-Guinée, paru en 2015. Enfin, je termine par l'apparition de votre dernier ouvrage intitulé Acting for Others, Relational Transformation in Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est paru en 2018. Enfin, vous écrivez actuellement une biographie du cinéaste Chris Owen, qui est auteur entre autres de The Red Bowman et de Bright Well Forgotten Death, qui a vécu et travaillé en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant près de 40 ans. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci pour cette présentation. Et merci de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Interlaboratoire. Ça va là ? J'aime pas trop les micros, mais bon, je vais faire avec. Donc, quand j'ai lu le long argumentaire très documenté présentant le sujet du séminaire d'aujourd'hui, la complexe fabrication de l'humain, j'ai été d'emblée frappée, je dois dire, par le peu de cas qu'il faisait du genre. Moi qui ai beaucoup travaillé, donc, comme le rappelait David, sur cette thématique et qui ai fait du terrain dans une société qui le place au cœur de nombre de ses pratiques et de ses représentations. Alors, sauf erreur, dans l'argumentaire, il n'y est fait mention qu'une fois à propos de, je cite, « l'expérience enfantine, variable en fonction des époques, des aires géographiques, du sexe et des origines sociales ». Ce à quoi il est fait référence est donc un état et une vie intérieure, au demeurant difficile à atteindre pour l'anthropologue, l'historien ou le sociologue, et non à des processus de socialisation, à la manière dont on est éduqué, dont on est habillé, aux attentes de la famille, etc., en fonction du sexe. Comme si le fait de naître garçon ou fille n'avait pas d'incidence sur tous ces phénomènes sociaux. Je pousse le bouchon un petit peu. Alors, l'expérience enfantine dans une société particulière a évidemment à voir avec les représentations du genre qui s'y déploient. C'est vrai ? Oui. Oh là là, je me lève peut-être. Non. D'accord. Je vais pas recommencer. Ça allait à peu près quand même. Bon. Donc, l'expérience enfantine dans une société particulière a évidemment à voir avec les représentations du genre qui s'y déploient, avec le type d'activité assignée aux femmes et aux hommes. L'argumentaire l'exprime à un niveau plus général dans la phrase suivante, et je cite encore. Hein ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Donc, l'argumentaire dit, les enfants sont insérés dans un jeu de complexes, de relations et de représentations qui influencent nécessairement leur expérience du monde, leurs expériences du monde. Mais parler de l'expérience enfantine suppose de se focaliser sur l'enfant, de le prendre comme point de départ de la réflexion, alors qu'essayer de comprendre comment le genre vient aux enfants, ce que je vais essayer de faire ici, est une démarche plus classique de l'anthropologie ou de la sociologie, en ce qu'elle porte surtout attention aux gestes et aux paroles des adultes. Alors, chez les Ankavés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont je vais parler aujourd'hui, l'arrivée d'un nouvel être humain ne questionne pas tellement la frontière humain-non-humain, qui était un peu le focus de l'argumentaire. Et je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si... Et je vous cite encore, « la complexe fabrication de l'humain, autrement dit, cette humanisation d'un être appartenant à la classe des mammifères, à partir de processus bio-organiques qui relèvent de la nature, la gestation et la parturition, peut s'appliquer à cette région du monde où les animaux ne sont pas majoritairement des mammifères placentaires, sauf les animaux importés que sont les cochons et les chiens. Rien ne nous dit en effet que la croissance des êtres humains et des animaux soit pensée là-bas selon un même modèle. En effet, la physiologie de la gestation et de la parturition est différente et l'on peut donc imaginer que les êtres humains n'ont pas alors à être humanisés par rapport à un modèle partagé avec les animaux. » Alors ce point mériterait évidemment plus ample discussion, mais en tout cas le rapprochement humain-animaux sur la base de processus bio-organiques communs qui est impliqué par le « autrement dit » de la phrase de l'argumentaire, ne va peut-être pas forcément de soi. Ce à quoi, Ankavés s'attachent prioritairement, est à établir une différence entre les bébés nés filles et les bébés nés garçons. Pendant la petite enfance d'un individu, la majorité des gestes effectués et des formules magiques proférées sont déterminés en fonction du sexe de naissance. Les autres sont destinés à les fortifier et à les faire grandir. Ils sont identiques pour les garçons et pour les filles, en tout cas dans la petite enfance, car tout change vers l'âge de 10 ans, lorsque les garçons sont initiés. Autrement dit, fabriquer un être humain consiste d'emblée à fabriquer une fille ou à fabriquer un garçon. Les autres pratiques consistent moins à les socialiser qu'à les aider à survivre, qu'à les fortifier. C'est explicite, dans un environnement où un tiers des bébés n'atteint pas l'âge de 1 an. J'ai fait des calculs et ça n'a pas changé entre le 87 où j'ai fait du terrain pour la première fois et 2018, la dernière. On a toujours un taux de 300 de morts avant l'âge de 1 an, de 350 pour 1000. Donc un bébé sur 3 n'atteint pas l'âge de 1 an. Donc, ici, un nouveau-né est en quelque sorte vu comme un être certes sexué, mais dont le sexe donne en quelque sorte simplement l'indication de ce que les adultes vont devoir faire pour transformer cet être né d'un sexe particulier en une personne dont les activités et comportements futurs seront en adéquation avec ce sexe de naissance. Celui-ci oriente donc le travail de socialisation, visant à fabriquer un être capable d'assumer les tâches de toutes sortes dévolues à son sexe, à transformer en quelque sorte un être sexué masculin ou féminin en un être d'un genre masculin ou féminin. Alors, je vais présenter tout ce processus de socialisation, mais avant, il faut que je vous donne quelques éléments très rapides de contextualisation. Alors, je m'excuse à l'avance pour les membres du credo qui savent tout ça par cœur. Donc... voilà la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie au sud, le nord de l'Australie au sud. Les Ankavés, et puis, alors, l'île de la Nouvelle-Guinée divisée en deux. Son côté occidental est une province indonésienne, Papouasie-Occidentale, et la partie orientale est un pays indépendant depuis 1975, indépendant de l'Australie. Sur la carte du bas, c'est donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec ses différentes provinces. Et à droite, une représentation de l'ensemble des groupes Anga en gris avec les Ankavés en azur. Donc ces Ankavés appartiennent à un ensemble de groupes à l'histoire ancienne commune qui parle des langues apparentées, non intelligibles mais apparentées, qui appartiennent à une même famille, et partagent certains caractères culturels. Cet ensemble s'appelle les Hanga, et les Baruya et les Sambia, qui sont bien connus, qui ont été étudiés par Gil Hurt et... Gil Hurt pour les Sambia et Maurice Godelier en France pour les Baruya sont bien connus. Les Ankavés forment une communauté d'environ 1600 personnes réparties dans trois vallées à la démographie contrastée puisque l'une de ces vallées ne compte qu'une cinquantaine d'habitants. Alors, Pierre Lemonnier et moi avons séjourné sur le terrain, fait notre terrain, comme on dit, dans une vallée qu'on appelle la vallée de la Chouaoui, qui est au fond, là, vous voyez une partie un peu plus... Oh, c'est pas très clair. Un peu plus... sans forêt. C'est dans cette vallée-là que nous avons travaillé le plus longtemps. Et en 87, il y avait à peu près 350-400 personnes. Aujourd'hui, 600. Une piste d'aviation a été ouverte en 2011. Depuis la date de cette photo, donc vous voyez la rivière ici, là, qui serpente. On va la voir tout à l'heure quand on parlera de certains gestes que font les mères vis-à-vis des bébés. Depuis la date de cette photo, il y a eu l'installation d'un poste infirmier qui n'a pas eu encore tout à fait les effets escomptés sur la mortalité infantile, mais on espère que ça viendra, d'une église... et d'une école élémentaire avec deux classes, un seul instituteur, mais qui serait, d'après les dernières nouvelles, parti en 2019, donc, a priori, plus de scolarisation des enfants. Alors, commençons par le commencement, et je vais passer un petit peu de temps là-dessus, et donc par les représentations de la procréation. Donc, quelles sont les représentations locales de la fabrication d'un enfant ? Je vous parle d'idées qui sont en passe d'être abandonnées au profit de nos représentations occidentales aujourd'hui, représentations colportées en l'occurrence par ces agents de la santé qui interviennent dans la vallée depuis le début des années 2010. Mais mes enquêtes récentes montrent que l'ancien système de représentation n'a pas totalement été remplacé. Donc les Ankavés pensent, ou pensaient si vous préférez, qu'un fœtus est conçu à partir du mélange de sang menstruel matriciel, qui est le même, et de sperme. Aucun discours spécifique ne vient éclairer les modalités de la différenciation sexuelle, comme c'est le cas pour d'autres sociétés en particulier. Rien n'indique que les garçons soient le résultat d'une intervention plus marquée du sperme et les filles du sang maternel. Le rôle masculin s'arrête à la conception et la croissance in utero est entièrement le fait des femmes, disent les Ankavés, ce qui contraste radicalement avec les représentations des groupes Hanga les plus connus, Baruya et Sambia, pour qui, si vous vous souvenez de ce que vous avez lu de Godelier, c'est le sperme qui fait croître le fœtus. Et cette différence en entraîne d'autres dans le domaine des rituels d'initiation et des règles matrimoniales. En l'occurrence, alors qu'il existait des pratiques ritualisées, d'ingestion de sperme pour faire grandir les garçons au cours des initiations des Baruya et des Sambia, c'est du jus de pandanus rouge qui se transforme en sang dans le corps que les novices Ankavés consomment en secret. Et il existe des interdits matrimoniaux implicites mais respectés à 100% entre personnes reliées par des lignées de femmes chez les Ankavés, alors que l'exogamie lignagère, nous sommes en régime patrilinéaire, est parfois transgressée. Donc des idées sur la croissance et la transmission du sang qui pèsent lourdement sur certaines pratiques sociales. Voilà, vous allez encore moins voir, non ? Pendant toute la durée de son séjour intra-utérin, le bébé est nourri exclusivement par le sang de sa mère, donc. Autrement dit, le sang menstruel retenu dans l'utérus dès que la conception est effective, il sert à le faire croître et fabrique également son sang. D'une manière générale, une partie des aliments que chacun consomme se transforme en sang. Et une femme enceinte nourrit donc son enfant à la fois avec son propre sang et grâce à celui issu de la transformation d'une partie de la nourriture qu'elle ingère. Et à ce titre, le jus du pandanus rouge occupe une place de choix car il est considéré comme un substitut végétal de sang. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire cela ? Plein de choses. D'abord, les Ankavés disent explicitement que manger du jus de pandanus rouge permet de refaire son sang et donc d'avoir une peau luisante et d'être en bonne santé. Ensuite, le vocabulaire qu'il désigne est sans équivoque. Le sang se dit tangne et le jus du pandanus rouge, pardon, tanne. On appelle de tels termes à la forme voisine mais au sens différent des paronymes. Et certains chercheurs, tels Audrey Court, les associaient à des situations de tabou. Le mot sang est en effet imprononçable lorsqu'on presse les fruits du pandanus cuit et quand on en mange le jus obtenu. Le juron boudiou serait un exemple connu chez nous, employé dans un contexte où il serait malvenu d'évoquer le bon Dieu. Enfin, le mythe d'origine du pandanus rouge raconte qu'il a poussé là où le sang d'un homme sans nom s'est déversé suite à son assassinat par d'autres hommes sortis de terre en même temps que lui. Alors en fait, l'histoire est plus compliquée, puisque du sang liquide a poussé ce pandanus, mais à partir d'un caillot est apparue la variété de cordyline rouge qui est utilisée pendant les initiations. En tout cas, tous ces éléments fournissent un faisceau d'indices, je dirais même que c'est plus que des indices, qui nous permettent d'associer sang et jus de pandanus rouge. Alors, à propos du corps, les enfants disent encore, les encavés disent encore que si l'enfant a été conçu de jour, il aura la peau claire, et si ses parents ont fait l'amour pendant la nuit, elle sera plus foncée. Et ce trait physique est parfois marqué dans les noms maternels. Oh là là, dans les noms personnels, Ikundi Buri, qui veut dire Ikundi, c'est le nom d'un endroit, d'un village. Buri, ça veut dire peau foncée. Ikundi Wia, peau claire. On parlera des noms tout à l'heure, car ils sont distingués en fonction du genre. Et donc, il faudra que j'en dise deux mots. On pourrait donc dire que dans cette société, un homme et une femme suffisent à faire un enfant. Je renvoie là aussi à votre argumentaire et vous rappeler ces mots de Maurice Godelier notamment. Mais ce serait ne pas prendre en compte le rôle du jus du pandanus rouge, toujours lui, car il est dit que les femmes enceintes doivent en consommer plus que de coutume pour produire du sang supplémentaire et assurer ainsi la croissance du fœtus. Or, le mythe d'origine évoqué à l'instant raconte aussi que les hommes ont goûté ces fruits en secret des femmes et qu'alors, plein d'enfants sont nés auxquels on a percé le nez à l'aide d'un os de cet homme sans nom. On pourrait alors proposer que si le sperme et le sang menstruel sont les seules substances qui permettent de concevoir un enfant, la croissance de celui-ci est en partie due à un aliment dont l'origine remonte au sang d'un homme primordial. Chaque être humain porte ainsi dans son corps une part de cette histoire originelle, constitutive de l'histoire du groupe et de ses fondements symboliques et rituels, le pandanus rouge et les cordylines rouges étant au cœur du dispositif initiatique. On notera au passage que la croissance in utero n'est pas ici considérée comme un phénomène physiologique qui se passe sans intervention extérieure. Il faut l'appuyer par une pratique alimentaire spécifique, la consommation de ce substitut végétal du sang. Si les discours sur la formation du corps du fœtus sont relativement précis et cohérents selon les diverses personnes avec lesquelles j'ai discuté de ces sujets, ceux sur l'animation du fœtus sont beaucoup plus flottants. La plupart des gens disent que l'esprit des nouveau-nés n'apparaît qu'à la veille de l'accouchement, spontanément. Il existe un terme, dunge, pour désigner le souffle vital, la respiration, l'animation, et donc quelqu'un qui meurt perd ce dunge. Mais aussi l'esprit, c'est le même mot pour désigner l'esprit, la pensée, la conscience, la volonté, la mémoire et la capacité à entrer en communication. Ce que les gens entendent par dunge lors de conversations sur le développement de l'enfant in utero relève plus de l'animation que de l'esprit ou de la conscience, bien sûr. Pour ce qui est des premières manifestations du dunge conscience, elles apparaissent au plus tôt avec le premier sourire du bébé, lorsqu'il commence à suivre du regard, à être attentif au monde qui l'entoure. Selon certains, cet esprit n'est véritablement présent que lorsque l'enfant est capable d'identifier un visage. Le premier qui reconnaît celui de sa mère, disent les femmes encavées, puisqu'il la regarde depuis ses tout premiers jours, à chaque fois qu'elle lui donne le sein. Pas de biberon, hein, là. D'autres n'admettent l'existence du dunge conscience chez un enfant qu'à la prononciation de ce premier mot. Donc vous voyez qu'il existe une relative grande latitude dans les représentations à ce sujet. Par définition, ni le nourrisson, ni a fortiori le fœtus ne possèdent ces capacités. Le dunge du nouveau-né est donc de la vie, matérialisé par l'animation dont il fait preuve dès avant la naissance. Pourtant, dans les propos des femmes encavées, il semble aussi impliquer l'idée d'une communication, puisqu'elles affirment que le bébé sent que sa mère va bientôt le mettre au monde, le fœtus, Il serait sans doute erroné de considérer que l'animation du bébé prêt à naître résulte d'un pur réflexe physique, donc évacuant ainsi complètement l'aspect communicatif entre la mère et l'enfant qu'elle porte. C'est cette capacité de communication qui fait d'un être humain une personne. Or, un nourrisson est un être qui, bien que théoriquement inclus aussitôt que né dans un groupe de parenté, et donc en ce sens intégré à la société, n'a pas encore pu réellement entrer en relation parce que le dungeon, au sens de capacité à entrer en communication, ne s'active vraiment qu'une fois qu'il se trouve hors du corps maternel. Il existe ici une relation forte entre éveil au monde des humains, capacité de communiquer et statut de personne. On serait alors tenté de dire qu'avant qu'un nouveau-né démontre une capacité d'attention se matérialisant sur son visage par des sourires et des regards appuyés, peu de choses permettent aux adultes de lui conférer un statut très différent de celui des autres êtres animés que l'on considère localement comme dotés d'une vie sociale. Ce sont essentiellement les chiens, les cochons, les grenouilles et les oiseaux. Car le dungeon n'est pas une caractéristique des seuls êtres humains. Les animaux qui communiquent entre eux, en premier rang desquels les oiseaux, mais aussi les grenouilles, ou qui interagissent avec les humains, cochons domestiques, chiens, en sont dotés. La question se pose alors de savoir si le dungeon des animaux domestiques n'est pas le résultat d'une interaction avec les êtres humains. Quant aux oiseaux, ils apparaissent dans certains récits comme ayant des comportements typiquement humains, tels la jalousie et la facétie. Leurs chants sont également interprétés lors des initiations, car on pense que lorsqu'ils se manifestent, c'est qu'ils expriment quelque chose sur ce que les hommes sont en train de faire. Ainsi, si l'on entend un oiseau de mauvais augure, alors que les novices ou leur mère ont un aliment dans la bouche, ils doivent le cracher de peur qu'un événement malheureux ne survienne bientôt. Les oiseaux et les hommes communiquent donc entre eux, probablement grâce à ce dungeon qu'ils ont en commun. Alors, au passage, on pourrait aussi peut-être reprendre le point discuté très rapidement au début sur les mammifères. Tout se passe comme si ici, le rapprochement humain-animaux ne se fondait pas sur des processus bio-organiques, mais sur une capacité de communication incarnée dans le dungeon. Tous les animaux ne l'ont pas, mais ceux qui l'ont ont un rapport privilégié avec les êtres humains. Mobile, ce dungeon peut quitter le corps qu'il abrite, hors de chaque rêve, par exemple. C'est d'ailleurs relativement à cette croyance que s'explique la coutume d'attacher lâchement l'un à l'autre les deux poignets d'un nourrisson par une fine cordelette, ou aujourd'hui une lanière de tissu, longue d'une trentaine de centimètres. En solidarisant les mouvements des bras, celle-ci empêche que l'enfant ne les écarte totalement lorsqu'il sursaute. Vous voyez, tout le monde connaît les enfants qui écartent les bras comme ça de manière spontanée. On pense en effet que lors d'un mouvement brusque, que l'esprit risque de s'échapper du corps du bébé. Et l'on dit aussi que perdre ainsi son esprit a des conséquences fâcheuses pour la santé d'un enfant ou d'un adulte sans distinction. Il s'agit donc d'un élément essentiel de l'intégrité individuelle, dont l'absence momentanée a des effets sur le bon fonctionnement physique du corps. Alors, je passe au marquage du genre. Dès qu'un nouvel être naît, sa mère effectue des gestes dont plusieurs sont réalisés de manière différente selon le sexe du nouveau-né. La mère coupe le cordon ombilical avec une lame de bambou si le bébé est une fille, et s'il s'agit d'un garçon, avec la tige d'une plante qui sera introduite dans la cloison nasale percée des garçons lors de l'initiation. Elle place aussi le placenta et le cordon ombilical dans le creux d'une branche d'un arbre différent. Pour les garçons, dans un arbre dont les fruits sont des glands à propos desquels les enfants blaguent en raison de leur ressemblance avec l'extrémité d'un pénis. Pour les filles, dans un arbre dont les fruits peuvent être consommés, cuits dans des entre-nœuds de bambou. Peu de temps après leur naissance, les bébés sont frottés avec une terre argileuse jaune-orangée. Alors sur cette photo, le geste a lieu dans le cadre de la naissance d'un premier-né, qui est l'occasion d'organiser le troisième et dernier stade des initiations masculines. Et c'est donc une vieille femme expérimentée qui s'en charge, mais dans les cas ordinaires, c'est la mère qui pratique cette onction. Il s'agit d'un des rares gestes identiques pour les enfants des deux sexes. Lors de telles initiations, qui ont lieu à chaque fois qu'un premier enfant naît, donc c'est le troisième stade, donc je vais y revenir tout à l'heure, donc ça se passe régulièrement, une vieille femme saisit tous les bébés présents par le bras et pratique des élongations de tous les membres au-dessus du feu rituel qui a été allumé après que les hommes sont descendus de la forêt et les femmes revenues de la rivière. Puis, après plusieurs jours pendant lesquels la mère séjourne dans un abri spécial, aujourd'hui souvent attenant à la maison est ici, un groupe de femmes apparentées à la jeune mère détruit l'abri en éclatant de rire si l'enfant est une fille, en entonnant quelques notes d'un chant d'initiation s'il est un garçon. Puis elles descendent vers la grande rivière, Chouaoui, pour que la mère se lave. Quelques jours plus tard, la mère se rendra seule, vous en voyez une ici, dans la même rivière, dans cette rivière que je vous ai montrée sur la carte, pour tremper dans l'eau son bébé, en tenant dans sa main un objet différent selon le sexe de celui-ci. Une noix qui sert dans les magies de chasse pour un garçon, un stipe de bananier et un kauri pour une fille, un kauri donc le petit coquillage, une monnaie utilisée autrefois dans les compensations matrimoniales. La formule magique prononcée est la même dans les deux cas, donc pour garçon et fille, et fait référence au groupe voisin des Ikoyés, dont les membres sont plus nombreux que les Ankavés, et on retrouve ici une préoccupation constante pour l'état démographique de leur population. C'est le cas également lorsque les restes du premier aliment solide consommé par un enfant sont jetés devant une maison remplie de monde. Les pratiques de différenciation sexuelle continuent au cours de la petite enfance. Les cheveux issus de la première coupe sont placés dans un végétal différent selon le sexe de l'enfant. Un pandanus des hautes terres dont les fruits sont ramassés par les hommes pour les garçons. Et un bosquet d'une plante dont les feuilles servent de toiture pour les abris d'accouchement pour les filles. Le premier pagne est confectionné lorsque les enfants ont environ 3 ans. Ils sont tous faits à partir de l'écorce battue de ficus, mais pour les petits garçons, on utilise des lanières d'une nappe teinte avec des graines de pandanus rouge lors du troisième et dernier stade des initiations masculines, alors que la jupe des fillettes est non teinte. Donc ici, c'est un garçon. Voilà pour ce qui est des gestes effectués sur le corps des enfants. À quelques rares exceptions près, tous sont différenciés en fonction du sexe de l'enfant et font référence à leurs activités respectives d'adultes, chasse pour les hommes, jardinage pour les femmes, ou à des événements marquants de leur vie, initiation pour les hommes, mise au monde des enfants pour les femmes. Mais le corps n'est pas le seul lieu de construction de la différence entre les filles et les garçons. Le nom personnel est lui aussi utilisé comme marqueur d'une distinction de genre. Le moment d'attribution du nom est déterminé, dit-on, par les premières manifestations du dengue, en son acception de conscience et d'attention soutenue, en général vers l'âge de 1 an. Auparavant, on s'adresse à eux seulement par un terme affectueux, des noms de plantes le plus souvent, qui varient à la fois en fonction du sexe de l'enfant et de l'appartenance clanique de la mère. Ainsi, toutes les filles qui ont une mère du clan X seront appelées de la même façon, et tous les garçons d'une autre. Ce terme reste utilisé toute la vie, dans les contextes de convivialité, pour quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou pour manifester à quelqu'un de la tendresse. Et les noms personnels ne sont pas tant des termes d'adresse, puisque les termes de parenté sont encore largement utilisés pour cela, que des termes de référence. Il existe des variations dans la composition de ces noms, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer, parce que d'abord j'ai publié là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais je vais plutôt en faire ressortir les principes généraux. Les noms attribués aux garçons sont en général composés de deux termes, le nom du clan du père, suivi de celui du clan de la mère, ou d'une ancêtre féminine, notamment lorsque celle-ci provenait d'un groupe voisin. Les noms des filles sont plutôt composés d'un unique terme, qui est soit le nom du clan du père, soit celui d'un toponyme, en l'occurrence le nom d'une rivière ou d'une montagne située sur le territoire clanique paternel. Qu'ils soient masculins ou féminins, les noms ne marquent donc pas tant une identité individuelle qu'une appartenance à des groupes de parenté. Et de ce fait, ils sont souvent partagés, puisqu'il existe évidemment plusieurs personnes dont les parents appartiennent au même clan, y compris au pluriel. Dans les noms des garçons est parfois inscrite la mémoire de mariages anciens et de relations avec d'autres groupes, alors que les noms des filles donnent des indications d'ordre spatial plutôt que temporel. Et cette différence colle avec ce que disent les Ankavés. Les femmes sont comme les feuilles des arbres, elles sont portées par le vent, et parce qu'elles changent de résidence au mariage, leur nom doit contenir une indication de leur lieu d'origine. A l'inverse, les hommes sont comme les cordylines plantées dans les barrières, qui restent stables et perdues. Dans les noms personnels comme dans les corps des uns et des autres, des indications sur ce que la culture locale considère comme approprié pour les garçons et les filles sont donc introduites très tôt, comme pour orienter les comportements et les activités de chacun. Comme je l'ai déjà dit, le sexe de naissance ne fait donc rien d'autre que de donner aux parents de l'enfant et aux autres adultes du groupe le point de départ d'un long processus de construction d'une identité de genre conforme à la culture locale. Alors avant de passer rapidement aux initiations, je voulais vous donner quelques images de l'enfance des garçons d'un côté et des filles de l'autre. Vous allez voir que les choses ne se passent pas tout à fait de la même façon. Alors d'abord, les mères portent leur bébé dans un filet de portage, comme vous voyez ici. Alors en général, plutôt derrière, si elles ne sont pas chargées de nourriture ou de boîte chauffe, et devant, dans le cas contraire, et là, elle a un filet de portage derrière elle, avec elle revient des jardins, donc elle a été obligée de mettre son enfant devant. Ici, une scène de repos rare de femmes accompagnées d'enfants en bas âge. Et maintenant, quelques images sur l'enfance ludique des garçons, qui passent leur temps jusqu'à l'âge de 10 ans, hein, parce qu'il va y avoir une rupture vraiment radicale au moment de l'initiation. Donc, dès leur plus jeune âge, les activités des garçons et des filles se différencient. Les premiers jouent, alors là, à se lancer des flèches, miniatures, à se promener en bande, à nager dans les cours d'eau, pendant que les fillettes accompagnent leur mère dans les jardins, les aident à récolter les tubercules. Voilà une fillette qui ramasse des tarots. Apporter le bois de chauffe et les entrenœuds de bambou, qui servent donc à la cuisson et au portage de l'eau. Et apporter de la nourriture, là, essentiellement, des fruits de pandanus rouge. Comme leur mère, que vous voyez, comme les femmes adultes que vous voyez à droite. Alors, une rupture radicale va survenir dans la vie des garçons vers l'âge de 10 ans. Moment où ils vont être initiés. Donc, ces initiations étaient organisées tous les 3-4 ans dans le passé, aujourd'hui tous les 7-8 ans, mais on n'est pas sûr qu'elles continuent à être organisées. Et elles marquent donc une différence fondamentale entre l'existence des filles et celle des garçons. Alors rapidement, en quoi consistent ces rituels? Je pourrais en parler vraiment longtemps, donc je ne vais pas faire ça. Le cycle initiatique comporte 3 stades, chacun marqué par un événement principal. Entre 8 et 12 ans, donc, les garçons ont la cloison nasale perforée. Quelques semaines à un an plus tard, ils sont frottés à l'aide de graines de pandanus rouge. Et enfin, lors de la naissance de leur premier enfant, les jeunes hommes subissent un rite au cours duquel ils reçoivent une parure spécifique. Une fois qu'ils ont la cloison nasale perforée, ils sont emmenés en forêt où débute une période de réclusion dans un abri tel que celui à gauche, pendant laquelle ils vont être soumis à une série d'épreuves physiques. Alors, ça va de marcher sur des rondins glissants, être jeté le long d'un tronc d'arbre et s'y rattraper, être soumis à des températures extrêmes et mentales, avec des brimades, des privations de sommeil, etc. Ils devront aussi chasser du petit gibier qu'ils offriront à leur mère à l'issue du rituel. Et pendant toute cette période, ces mères sont recluses dans un grand abri de feuillage et doivent respecter les mêmes stricts interdits alimentaires et comportementaux que leurs fils. De même, plusieurs mouvements qu'elles effectueraient après que la perforation du septum a eu lieu pourraient avoir un effet sur la cicatrisation de celui-ci. Elles sont donc intégrées au processus initiatique, au point que l'on peut dire qu'est ici remis en scène la relation symbiotique qui existait entre le garçon et sa mère pendant la grossesse. Les commentaires des femmes sont à cet égard sans équivoque. Nous pensons aux interdits sur le pandanus rouge, les noix d'arec et l'eau que nous avons dû respecter lorsque nos fils qui sont maintenant initiés sont nés. Ou bien, ce fils que l'on initie aujourd'hui, on l'a porté dans notre ventre, alors quand eux ont faim, toi, tu vas manger? Les mères des garçons établissent donc explicitement un lien entre les initiations et la naissance de leur fils plusieurs années auparavant. Et les gestes effectués pendant les rituels peuvent être interprétés comme une renaissance des garçons dans le monde des hommes. Leur cloison nasale est perforée, on utilise un objet dont on dit qu'il faut bien qu'il sache que l'on a tué l'enfant. Ils passent ensuite, lors du deuxième stade, dans un corridor de branchage porté par leurs oncles maternels et sont frottés à la sortie avec des graines de pandanus rouge et de la terre rouge sur le visage et les épaules. Ils sortent donc la tête et les épaules rouges comme un nouveau-né du vagin des femmes. Puis, paré d'une nouvelle cape d'écorce que vous voyez ici, alors on voit que le bas, elle est accrochée au cou et à la ceinture par cette série de tiges d'orchidées tressées que vous voyez sur la photo. Donc, comme un homme adulte, ils sont là décorés comme le sont les hommes adultes en période, enfin, quand ils sont habillés pour des cérémonies, décorés de plumes et de coquillages. Ils redescendent au village et offrent du petit gibier à leur mère qui leur donne en échange des tubercules. Vous voyez ça sur la seconde photo. Cet échange marque un changement dans la teneur de leur relation. De symbiotique, elle est devenue une relation entre deux êtres plus autonomes. En même temps, les garçons sont passés de l'état d'enfant et de produit de l'action d'autrui à celui d'adulte et d'agent par le biais d'une opération rituelle majeure au cours de laquelle les termes de la relation transformée étaient présents, bien qu'en des lieux différents. Cette coprésence était une condition indispensable à la maturation des garçons, matérialisée par cette transformation relationnelle entre eux et leur mère. Leur nouvelle pièce de vêtement en écorce battue est qualifiée par le même terme, Ijiare, qui sert à désigner une chrysalide. Et l'on peut donc faire l'hypothèse que la transformation du garçon en homme est apparentée à celle de la chrysalide en papillon. En ayant recours à l'image d'un insecte sortant de sa chrysalide, les encavés expriment l'idée d'une transformation radicale des initiés, car rien dans l'état du papillon ne rappelle celui antérieur de l'enveloppe où il se trouvait. C'est le cas également d'une autre image que l'on trouve dans le mythe d'origine des initiations. Alors il est long, et je vais donc que le résumer très brièvement ici. Quatre frères sont tour à tour tués et mangés par une vieille femme qui place leurs os dans des entre-nœuds de bambou. Le Benjamin part à leur recherche, tue la vieillarde, trouve les bambous et les place dans une mare. Il se rend régulièrement à la mare et voit que les autres de ses frères se sont transformés en têtards, puis plus tard en grenouilles, puis encore plus tard en petits garçons. Il décide alors de les initier et en faisant des hommes adultes à partir de têtards puis de grenouilles, les encavés utilisent là aussi une analogie entre le processus de croissance masculin et celui d'un animal dont l'état adulte diffère radicalement de son état de jeune. On rappellera au passage que les grenouilles sont des animaux qui, comme les oiseaux, les cochons et les chiens, sont considérés comme ayant du demi, un esprit, une conscience, une capacité à communiquer. Dans le cas des filles, il n'existe pas de telle rupture entre l'état d'enfant et celui d'adulte. On dit d'ailleurs qu'à la différence des garçons, les filles arrivent à maturité sans intervention extérieure, ou presque, car l'oncle maternel donne parfois un coup de pouce en frottant de terre la poitrine naissante de sa nièce. Leur maturation physique est en quelque sorte à l'image de leur apprentissage des tâches qui leur sont dévolues, progressives, en accompagnant leur mère, leur tante, leurs sœurs aînées dans les jardins, en portant leurs petits frères et sœurs. En bref, l'air de rien, elles intègrent ce qui fait d'elles des êtres du genre féminin. A l'inverse, les garçons doivent rompre avec leur enfance et l'insouciance qui la caractérisait. Leurs mères disent qu'une fois qu'ils sont initiés, elles ne les reconnaissent plus. Ils ont été endurcis par les épreuves et préparés à leur vie future d'hommes mariés en écoutant des leçons sur les comportements adoptés envers leurs époux. Cette initiation se poursuivra lorsque leur femme sera enceinte de leur premier enfant. Lui et sa sœur, idéalement aînés et sans enfants, devront respecter un ensemble d'interdits alimentaires, sur le jus du pandanus rouge et la noix d'arec notamment. Alors cette noix d'arec, quand il la mastique avec de la chaux, elle se transforme en une chic épaisse très rouge. Et cet interdit respecté donc par le futur père et la sœur de celui-ci sont destinés à éviter que la femme enceinte souffre d'une hémorragie à l'accouchement. Donc il y a une représentation des perméabilités du corps à certains moments qui sont très prégnantes. Ils doivent tous deux également revêtir une cape d'écorce neuve sur la tête de ce type. Alors pour lui, pour un homme, il s'agit d'une façon très inhabituelle de porter cette pièce de vêtement qu'il identifie sans aucune ambiguïté comme le futur père d'un premier enfant. La présence de la sœur s'explique de la même façon que lors des premiers stades collectifs du cycle rituel. La relation frère-sœur doit être transformée afin qu'il puisse devenir un père, puis un oncle maternel, lorsqu'elle sera elle-même enceinte. Quelques jours après la naissance de son enfant, il est emmené en forêt avec des compagnons qui ont eu un premier enfant il y a peu et sont encore sermonnés et préparés à leur vie de père. Il y a une photo au centre. Il redescend ensuite avec une décoration de tête spécifique, dont une plume de cacatoès blanc, vous voyez ici, et le bandeau frontal au guidje. Vous avez vu une nappe tout à l'heure, et vous la voyez ici, la nappe a été découpée en lanières, qui sont portées par les jeunes pères, et qui seront ensuite assemblées en panne pour les petits garçons. Son enfant sera lui-même soumis à toutes les pratiques que j'ai décrites auparavant, destinées à la fois à établir, à construire son genre en fonction de son sexe de naissance et à le fortifier. Onction de terre, passage au-dessus du feu, élongation. Je voudrais terminer en parlant des parents maternels qui sont des personnages très importants dans les vies des enfants, tout particulièrement l'oncle maternel. Parce que ces parents partagent le même sang que leurs neveux et nièces, ils sont les bénéficiaires d'une série de biens reçus en compensation du sang dont les mères sont à l'origine. Ces biens consistent en de la viande de porc domestique ou de gibier et sont identiques pour les garçons et les filles pendant l'enfance. Les grands-parents paternels en reçoivent deux, à la naissance du premier enfant parce qu'ils ont transmis leur savoir concernant l'onction de terre jaune-orangée. Et quelques années plus tard, lorsque ses grands-parents, pense-t-on, approchent de leur fin de vie. Considéré comme le principal représentant du clan maternel, l'oncle maternel est le principal bénéficiaire de dons réguliers qui garantissent qu'il accompagne avec bienveillance la croissance de ses neveux et nièces. En effet, s'il juge ses biens insuffisants, il peut jeter un sort sur eux et les faire dépérir, leur santé dépendant de ce personnage qui est de ce fait particulièrement craint. Il peut également agir sur la fertilité de sa nièce, l'empêchant d'avoir des enfants et donc de perpétuer le groupe. Il reçoit un premier don lorsque son neveu ou sa nièce est âgé d'environ 8 ans, puis après l'initiation de son neveu, parce que, dit-on, il a accompagné celui-ci dans les épreuves qu'il a subies. Notamment, il l'a porté sur son dos quand il est passé dans le corridor lors du second stade des initiations. Il en reçoit beaucoup plus pour ses nièces en raison de la compensation matrimoniale et des biens en nature qui accompagnent tout mariage, qui sont redistribués en partie au sein de la famille maternelle de l'épouse. Le premier don offert lors de la demande en mariage va intégralement à l'oncle maternel, qui le partage avec ses frères et sœurs. Puis il reçoit environ 30% de la viande de porc ou de gibier, 30% parce que j'ai fait le calcul, donc je sais, offert à différents moments du mariage, ainsi que le demi-porc qui accompagne l'argent de la compensation matrimoniale. Et à chaque fois qu'un enfant est gravement malade, l'oncle maternel étant soupçonné d'avoir jeté un sort, il reçoit un morceau de viande afin de persuader de contrer sa malédiction. Alors que peut-on conclure de toutes ces pratiques? Qu'elles sont de deux types, les unes visant à fortifier et à faire croître, et qui sont donc identiques pour les enfants des deux sexes, onction de terre, élongation, échauffement, les autres qui visent à construire le genre, qui n'est pas considéré comme un donné, puisque le sexe de naissance n'est pas suffisant pour le déterminer. Celui-ci ne suffit donc pas à faire d'un garçon et d'une fille un futur homme et une future femme. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que des adultes agissent de diverses façons et de manière répétée, en utilisant des éléments de son cordon ombilical, le placenta dont il s'est nourri, ses cheveux, en manipulant un objet évocateur d'une activité proprement masculine ou proprement féminine lors du premier lavage, en habillant et en parant l'enfant d'une manière différente selon son sexe, en lui donnant des outils et des armes différents, un arc et des flèches pour un garçon, un bâton à fouille et un filet de portage pour les filles. Bref, le genre se construit progressivement sur une longue période en mobilisant des acteurs divers, des proches comme la mère ou l'oncle maternel, mais aussi, dans le cas des garçons, l'ensemble de la communauté masculine. À cette seule condition, les garçons deviennent des êtres véritablement socialisés, capable d'entrer dans le monde adulte avec tous les devoirs qui sont liés au statut d'homme adulte. Les filles, quant à elles, atteignent le statut de femme adulte sans rupture, car celui-ci est en continuité avec ce qu'elles font dès leur petite enfance, aux côtés de leur mère et des autres femmes adultes de la communauté. À observer leurs activités, les fillettes sont de telles femmes en miniature que l'on pourrait se demander si la catégorie enfant s'applique de la même façon à elles qu'à leurs homologues masculins. Si l'enfance se caractérise par l'insouciance et le jeu, alors les fillettes n'en ont pas vraiment. Et donc, même si un seul terme désigne cette position générationnelle temporaire pour les deux sexes, l'expérience qu'ils recouvrent est bien différente pour les filles et les garçons. Voilà. Merci. On est en retard. Avant tout, je voudrais remercier les organisateurs d'ouvrir cette journée à tout public. Merci pour moi et merci pour tous les autres pour la diffusion du savoir. Je voulais vous demander, madame, est-ce que des universitaires dans les disciplines juridiques ont eu et ont passé au présent la bonne idée de vous interroger par rapport à vos travaux, puisque on étudie aussi le genre. Non, des psychanalystes m'ont demandé d'intervenir à propos de mon livre « Agir pour un autre », mais des juristes, non. Ça viendra peut-être, mais... Non. Est-ce que juste une question à propos... un petit peu le pont avec la présentation précédente. Vous insistez au début de la communication sur l'énorme mortalité infantile. Oui. J'aimerais savoir, parce que ça doit être assez difficile de géographier ça, mais quelle est l'attitude, comment est vécue la disparition d'un enfant suivant son genre, et pour les garçons, entre avant ou après l'initiation. Est-ce que tu as pu malheureusement le faire? Alors, selon le genre, j'ai l'impression que ça, il n'y a pas de différence. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce genre de questions parce que j'ai quand même l'impression que les encavés, de par leur familiarité d'une certaine façon avec la mort des enfants, le vivent. C'est dur de dire ça, mais le vivent plus facile. On a l'impression qu'ils le vivent plus facilement que. On le vivrait nous, quoi, parce qu'il y a des gens qui ont 6 enfants, qui en ont perdu 3, et même plus parfois. Donc on se dit, mais comment on peut survivre à ça, quoi, et survivre, et bon, on prend pas le deuil d'un enfant de la même façon qu'on prend le deuil d'un adulte, etc. Et ce que tu disais, qu'est-ce que tu me disais après l'initiation, s'il meurt après l'initiation? Ben là, c'est différent. Là, on prend le deuil. Là, il y a une vraie... J'ai pas d'exemple. J'essaie de me... J'ai pas d'exemple comparatif qui me permettrait de te dire, de te dire s'il y a une différence entre prendre le deuil d'un garçon enfant, encore enfant, et prendre le deuil d'un garçon initié. Je ne me suis pas posé la question, j'ai pas été confrontée ethnographiquement à ça. Donc je pourrais te répondre. Ça fait deux questions auxquelles je peux pas répondre. Merci Pascine. En vous écoutant, ça m'a fait penser à. Je suis désolée que ça pèse un peu à ce que Marie Fraser dit de la construction de la personne et du genre, etc. Mm-hmm. Et comme c'est de la littérature un peu compliquée, moi j'avais un peu envie de vous entendre sur justement cette distinction avec ce que Marie Fraser dit. Enfin, moi j'ai retenu, disons, choses qui sont similaires à rôle des relations et des actions, notamment, oui. Et oui. Aussi l'idée de perméabilité des corps. Oui. Alors, enfin, voilà, C'est une grosse question. Dans Agir pour un autre, j'avais présenté toute l'ethnographie des initiations et du rôle des femmes dans l'initiation. Et puis j'avais discuté un petit peu la théorie de Marie Strasser de la personne relationnelle. Elle a tendance à dire que les relations sont contenues dans les personnes et que donc les personnes sont divisibles et qu'on peut, il y a des pratiques d'extraction de partie de la personne pour devenir soi-même procréatif, quoi, procréateur, qu'on puisse entrer en relation avec. Donc on est comme le produit de la relation maternelle et d'une relation des maternelles et des paternelles. Et puis, pour devenir soi-même parent, on est obligé de s'extraire d'une partie de ces relations. J'ai un peu de mal avec l'idée qu'on puisse être divisible comme ça. Bon, alors évidemment, tout ça, c'est symbolique. Donc, moi, ce que me montrent les encavés, en tout cas, c'est que les relations sont extérieures à la personne, en partie au moins, et c'est en agissant sur ces relations que la personne est transformée. Donc c'est un point de vue qui à la fois met au centre de la représentation de la personne, des représentations sur la personne, les relations, mais qui les envisage un peu différemment. Voilà, je dirais ça, si ça suffit. Vous avez magnifiquement décrit les stades qui font les enfants garçons qui deviennent initiés à différents stades jusqu'à l'âge adulte, voire même à la naissance de leur premier enfant. C'est ça. Et de la même façon, vous avez indiqué que pour les petites filles, donc les phénomènes qui passent de leur sexe à leur genre étaient relativement plus intégrés du fait que. Elles suivent leur mère, leur tante, etc., notamment dans ce lieu dédié aux femmes qui est celui du jardinage. Et ma question est de savoir, est-ce que vous auriez repéré de la même façon certains passages, un rythme de passage, par exemple, dans l'apprentissage de la culture de telle plante, de telle forme de culture, donc le phénomène de préférence de telle plante plutôt que telle autre, ou l'initiation par exemple de pouvoir cultiver telle plante plutôt que telle autre, est-ce qu'il y aurait des plantes qui seraient tabous pour les petites filles, puis passer un stade, elles pourraient cultiver celui-ci, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des formes repérables, donc le stade aussi chez les enfants, quoique d'une façon plus intégrée que vous auriez décrit? Non. Non, il n'y a pas ça. Non, je l'aurais vu, forcément. Il n'y a pas ça. Mais par contre, ce que vous dites sur les tabous, ça me fait penser que j'ai oublié de dire quelque chose, c'est qu'il y a des tabous qui sont réservés, il y a des plantes que les enfants ne peuvent pas consommer. J'ai oublié de dire ça, j'aurais dû. Ça fait partie de l'enfance. Parce que des plantes qui poussent lentement, vous voyez, des choses comme ça, donc qui ne sont pas adaptées au statut... l'enfance, parce qu'on aurait peur que ça les bloque dans leur croissance. Non, pour les... Non, elles vont dans les jardins et les mères forcément leur expliquent telle plante, qu'il y a telle plante qui ne sont pas bonnes à manger, d'autres. Mais il n'y a pas de... C'est pas sous la forme d'une initiation, d'une ritualisation. Non. Après, on peut toujours se demander si l'intervention des mères et des rituels dans les... J'ai souvent ces questions-là. Et des sœurs dans les initiations ne serait pas aussi une initiation pour les filles. Mais alors, ça intervient tard. Parce que c'est pas dans, on n'est plus dans l'enfance. Même pour les sœurs, on n'est plus dans l'enfance. Merci beaucoup. Merci pour l'exposé. Je voudrais essayer de faire un lien avec l'exposé précédent, qui oui. est aussi passionnant que les vôtres. Est-ce que chez les encadrés, il existe une idée de pathologie d'enfants? Est-ce qu'il y a des enfants fous, des bébés fous, des parents fous, tels qu'on a entendu par le premier exposé? Eh ben non, j'ai pas vu, c'est une petite population, alors peut-être que c'est pas représentatif. Non, j'ai jamais vraiment vu de gens qui paraissaient non intégrés, très mal, ou j'ai jamais vu ça. Alors il y a, oui, il y a des gens dont on peut dire quand même il est bizarre, il est toujours pas marié, tout ça, mais il finit. Je me souviens d'un qui. On se disait bon, comment... et puis quand on est revenu, il était marié, il avait des enfants. Non, je. Parfois, on va dire oh, je suis loué, celui-là, oui, il reste dans son coin, il est un peu bizarre, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de gens vraiment qui sont. Soit qui ne parlent pas, soit qui, sont... qui restent dans leur coin, ce que vous décriviez, là, j'ai jamais vu d'enfant comme ça. Bon, c'est moi qui ai dit. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant et je suis frappée par un peu des similitudes dans le sens où vraiment là je trouve que vous décrivez vraiment le processus de séparation individuelle que nous avons décrit chez la psychanalyse auprès des enfants et avec ces différentes étapes de très marquées jusqu'à ce moment qui peut paraître un peu comme l'équivalent de l'adolescence qui vient marquer le passage de l'enfance sans adolescence finalement à l'âge adulte avec ce moment de réclusion et puis de retour dans la communauté mais en homme en fait avec ce passage de reviviscence finalement de l'accouchement de la naissance on passe par une espèce de tunnel là. Et je suis frappée par ce que vous soulignez le moment important où commence d'une certaine manière à partir du moment où vous avez évoqué le sourire du bébé. Oui. Et pour nous, c'est un marqueur très important de la subjectivation du bébé. Le premier sourire de l'enfant, le sourire réponse oui. d'alentour du troisième pas le premier. Qui, oui, qui n'est pas le réflexe. Qui est le sourire réponse et qui vient vraiment marquer quelque chose que j'évoquais tout à l'heure de la réflexivité du retour de celle-ci. Entre, je parlais du visage de la mère comme premier miroir, et puis ce retour de réflexivité lorsque l'enfant répond aussi par son sourire, par son visage animé, etc. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Après, juste par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à la folie, aux enfants fous, aux formes de déviance, je trouve qu'on ne peut pas ne pas le penser sans évoquer le fait que là, il y a vraiment une telle prise en charge par la petite société, les petits groupes, vous dites. Des rituels, d'inscription dans son propre genre, etc., que ça laisse peu la place finalement aux déviances, aux ratés, parce qu'il y a une prise en charge sociétale. Alors que quand même, on peut aussi assimiler d'une certaine manière à la folie, à un défaut de prise en charge sociétale. Je pense au petit bouquin sur Van Gogh, le fou de la société. Oui, puis il n'y a pas de huis clos dans de famille, enfin, y a pas, donc il n'y a pas de dysfonctionnement familial. J'ai une question naïve pour terminer, mais alors est-ce que c'est toujours le genre qui est assigné, correspond toujours au sexe de naissance? Bah, là aussi, j'ai pas de. Ouais. Oui, j'ai pas de cas de garçon qui se voit fille, ou alors, mais c'est difficile d'entrer dans là-dedans, mais quand même ça se verrait. Pas tellement dans le sens d'une identité de genre personnel, sexuelle, etc., que pour éventuellement les besoins d'une communauté, plus d'éléments masculins, ou par contre, c'est la répartition des tâches qui est quand même marquée, et donc plus de besoins d'éléments masculins ou féminins en fonction, après tout, les naissances, c'est le hasard. Ou oui, ça c'est bien réparti quand même en général. Donc, mais vous n'en voyez pas besoin d'identité d'emprunt. Non. Il n'y a pas. Pardon ? Peut-être que la mortalité joue en étant un petit peu choisi. Enfin. Qu'on laisserait des enfants un peu sans soins, tout ça ? Oui. Il y a une femme infanticide, ça je le sais. Il y a une femme infanticide, mais j'ai jamais pu parler avec elle. Et d'abord, elle vivait un peu. Enfin, la famille vivait un peu. Et apparemment, là, il y en a une autre. Les gens disaient, non, c'est pas possible. À chaque fois, elle est enceinte, il n'y a aucun bébé. C'est pas possible. Il y en a une. Donc ça fait deux. Ça ferait deux. Il y en a une qui est morte. Ah, ben voilà, celle-là, apparemment, est marginalisée. Ah, ouais, c'est vrai. Oui, alors là, oui, on peut dire que c'est de la même chose. pas ce que c'est une pathologie, sans doute, probablement. Elle n'était pas bien dans son genre. Alors, elle a quand même quelques... Elle ne les a pas tous tués, quand même. Elle en a, mais elle doit juger qu'elle en a trop, il n'y a pas de moyen de contraception, que ça suffit comme ça. Parce que... Justement, la question que je voulais poser, bon, merci encore, hein, sur ce retour auquel vous commencez à être aussi habitué, mais avec beaucoup de bonheur, de m'entendre avec ces détails qui sont liés à une expérience extraordinaire de toi, de Pierre, d'ailleurs, sur ce terrain difficile et lointain. Mais alors justement, tu as dit, mais ça m'a frappé, parce que moi j'ai toujours lu Égaudelier, Le Monnier et Bonnemère avec ces images de processus rituel, une différenciation extrêmement rigoureux. Et tu disais que ces derniers temps, il semblait que les pratiques d'initiation tendaient à battre de l'aile, voire à disparaître. Alors je suppose que c'est par l'effet du contact avec avec le monde occidental, plus ou moins, de plus ou moins lointain, ça peut être un élément. Et alors justement, ça revient à la question de notre collègue Maurice, salut déjà. Justement, est-ce que précisément il n'y a pas aussi un effet ou une sorte de pression juridique qui viendrait du gouvernement central, si je puis dire, si tant est qu'il est, je ne sais pas, je ne connais pas du tout, hein, si tant est qu'il ait une quelconque influence sur la vie des encadrés. Est-ce que là, justement, sur le plan du droit, parce que ces pratiques-là, alors il y a les questions de droit de l'enfant, parce que les séances d'initiation peuvent être assimilées à des séances de torture, hein, quasiment, c'est très dur, par rapport à la façon dont on initie les enfants du monde occidental. Voilà, donc c'est un peu le genre de questions qui me reste. Donc tu me demandes pourquoi il n'y en a plus ou pourquoi elles sont en voie de disparition, c'est ça? Oui, mais surtout, alors, justement, il n'y a pas une influence du monde juridique. Non, parce que le gouvernement papou est très chrétien, mais il a dans sa constitution le respect de toutes les pratiques et représentations des je ne sais pas combien de populations, mais en tout cas, il y a 800 langues, donc... Donc non, il n'y a pas d'interdiction des initiations par le gouvernement. Mais il y a des agents comme les églises. Et puis il y a un expert rituel qui est mort, donc ça a un peu flotté. Son fils pourrait éventuellement reprendre. Cela dit, les vieux... Enfin, il y a... La dernière fois qu'on y est allé, là, les plus vieux se était inquiet parce qu'il y a toute une génération de jeunes hommes qui ne sont pas allés à l'école parce qu'il n'y avait pas d'école. Parce que ça a commencé en 2012 et c'était juste les toutes petites classes. Donc des garçons qui ont 18, 20 ans, qui n'ont pas été initiés et qui n'ont pas été à l'école et qui ne font rien. Et qui sont. Ils inquiètent les plus âgés qui disent on va vraiment refaire quelque chose parce que c'est pas possible de les laisser comme ça à rien faire, à jouer aux cartes, à éventuellement se battre. Donc, pas de prise en charge ni par non, là, sociale, ouais. Ni par les et là ça allait plus. Plus. Là ça allait plus. Et là il y avait un problème. Pour les garçons, parce que les filles, sont toujours dans. Les marginalisées. Oui, donc ça, là oui. Là, il y a un gamin, par exemple, il y a un jeune homme qui en a tué un autre. Enfin, donc là, il y a eu, là, ouais, qui est violent. Il y en a un qui est violent et qui a visiblement, il a pas eu les cadres. Il reste juste deux toutes petites questions. Et on prend là-bas. Et Anthony, merci Marcel pour l'exposé, très intéressant. J'ai plusieurs questions. Je voulais poser trois questions petites. Alors, la première, j'étais intéressé, vous avez bien expliqué cette réaction dans la construction de soi, de genre, avec des éléments naturels. Et ma question par rapport à ça, c'était, est-ce qu'il y a des liaisons, pas seulement avec des animaux, des choses naturelles, mais plus en général avec des lieux, c'est-à-dire des espaces je pense par exemple au tabou, au salon, etc. Surtout s'il y a des relations à des espaces physiques. On peut nous amener des lières, des montagnes, des villes, etc. Pour exemple. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question est, vous avez parlé du mot pour indiquer l'esprit, que c'est le même du souffle vital et du sang. Non, souffle vite. Tout ce qui relève de l'animation de la vie, tout ce qui relève de l'animation de la vie et tout ça, et ce qui relève de la conscience, de la mémoire, de la capacité à communiquer, tout ça, c'est le même mot. Ok. Voilà. Pas le sang. Et là, justement, j'ai deux questions sur ça. D'accord. La première, c'est est-ce qu'il y a une relation entre ces souffles vitaux et la parenté, c'est-à-dire est-ce que ce souffle vital il est lié à quelqu'un qui le gère, du coup, et c'est ça, c'est lié par exemple, parce que c'est le cas ailleurs, à toute la lignée des oncles maternels, par exemple, qui sont porteurs de cette souffle vital. Et troisième et dernière, pardon, la transmission justement de la mémoire, surtout liée à la mémoire généalogique, l'histoire. Est-ce que ça passe, comme vous avez dit, dans cette, pour des autres choses pratiques, dans ce moment, ou c'est ritualisé, c'est formalisé dans des autres périodes? Est-ce que la transmission de cette mémoire, ça se passe dans l'enfance? C'est oui, comment on se rend? D'accord. J'ai déjà oublié la première, je vais noter. Je vais commencer par la troisième. Pendant les initiations, non, il n'y a pas tout ça. Il y a l'apprentissage de certains mythes. Et il y a surtout des leçons sur la façon dont il faudra se comporter, que ça suffit maintenant, tu étais un enfant, tu faisais des bêtises, tu passais ton temps à jouer, maintenant, terminé, on va passer aux choses sérieuses. Donc il n'y a pas de transmission de cette généalogie, ça se passe dans la vie quotidienne, on va dire. Il n'y a pas de moment particulier pour faire ça. Et puis, les gens s'appelant par des thèmes de parenté, les enfants savent très vite qui est qui et à quel clan, etc. La deuxième question, c'était sur les lieux. Ah oui, c'est ça, les lieux. Enfin, il y avait une question sur est-ce qu'il y avait des lieux plus pour les femmes et d'autres pour les... C'est ça? Ah ben les initiations, elles se font toujours en forêt, et donc les femmes ne peuvent pas y aller pendant à ce moment-là. Il y a des lieux spécifiques quand les femmes, après un accouchement, elles empruntent des chemins spécifiques pour aller à la rivière se laver. Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis il y a évidemment le territoire est approprié en fonction des clans. Donc tu peux pas aller chasser sur le clan de... Enfin, tu vas chasser sur le territoire de ton clan. Et là, j'ai oublié une des questions. J'ai dit entre cette idée des souffles vitaux, s'il est géré... Ah oui, non. Non. Ben, il faudrait... Mais je vais pas me lancer dans... On pourrait avoir des hypothèses là-dessus. À propos de mythes du perçage des sexes notamment, mais ce serait un peu compliqué et c'est tellement hypothétique que j'en ai parlé dans le Pandanus rouge de ça, je pourrais te dire. Mais non, ça vient pas d'un endroit particulier ou d'une personne particulière. Alors, c'est peut-être un autre programme ethnographique, mais c'est sur les relations, les interrelations entre les groupes de garçons et de filles, parce qu'ils voient ce que font les uns et les autres. Oui. Et comment ça interrelagit, est-ce qu'il y a des envies, etc. Est-ce que c'est complètement séparé? Bah, les frères et les sœurs vivent ensemble quand même, donc déjà. Et puis, bon, les petites filles, là, j'ai montré des photos où elles étaient dans les jardins, elles n'y vont pas non plus tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a quand même une séparation des activités de jeu. J'ai rarement vu les filles jouer, en fait, les petites filles jouer. Alors après, elles ne peuvent ne rien faire, discuter entre elles et tout ça, mais les osselets, bon, les flèches, je ne parle pas, elles ne peuvent pas faire ça, mais j'ai vraiment... Regardez, là, cette photo, je l'ai remise, là, parce que, donc, il y a un garçon à gauche et une petite fille à droite. Bon, on peut leur dire qu'elle s'amuse à porter son frère, mais enfin, je ne sais pas. Elle est toute courte. Donc, non, pas tellement de mixité dans l'enfance, mais pas de plainte non plus. Parce que c'est aussi des moments privilégiés d'aller au jardin avec sa mère. On échange, on est avec elle toute seule. Enfin, voilà, on n'est pas embêté par petit frère. Donc. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous pour toutes ces questions. Nous sommes très heureux de la discussion que ça suscite, mais nous sommes extrêmement tard. Donc, alors la question se pose, est-ce qu'on fait une pause, est-ce qu'on ne fait pas de pause? Je regarde les regards. Pause, pas pause. Ok, 5 minutes de pause et vraiment 5 minutes. Dans 5 minutes, on commence la soirée. Merci beaucoup.